le vrai que les hommes n'ont pas toujours le même langage dans l'expression de leur amour les uns vis-à-vis des autres. Toi qui entends leurs prières, toi qui entends les cœurs, entends le mien qui te parle dans le langage du cœur. Et te dis sans bruit, je t'aime, je t'aime. Est-ce que tu peux dire sans bruit, je t'aime? Dis après, non, sans bruit, dis après moi, je t'aime. Je vois l'amour que tu me donnes, cet amour tant cherché. Par plusieurs, me pas trouvé, a pu trouver demeure en moi. Ton amour me rend ivre, donne envie de te dire je t'aime. Cet amour m'a troublé, je te sens partout où je suis. Même quand j'ai les yeux fermés, c'est ton image qui me revient. Et même quand je pleure, c'est ton regard qui sèche mes larmes. Je me croyais unique, mais à ton contact, je découvre un grand mystère. Un autre moi existe sur terre. Mes yeux s'ouvrent et je réalise que tu es ma source, mon idéal, qui me donne la joie de vivre. Ton amour me rend ivre, je ne sais plus me contenir. Oh, il est plus qu'une rose. Ton amour ne fait jamais. Et même quand je pleure, c'est ton regard qui sèche me là. Ton amour m'a comblé, je ne sens qu'un vide en moi. Ton amour m'a troublé, je te sens partout où je suis. Même quand j'ai les yeux fermés, c'est ton image qui me revient. Allez, moutou-moi ça la bouée, fais comme ça, comme ça. Ta voix pour moi est un grand et loyal plaisir. en toi je ce que je pouvais nulle part ailleurs. Et même quand je pleure, ton regard sèche mes larmes. Il est plus qu'une rose, ton amour ne fane jamais. Même quand je les yeux fermés, c'est ton image qui me revient. Et même quand je pleure, c'est ton regard qui sèche me là. Nalingi yo yesu nangai, polangisa motema nangai. Je te veux pour moi, ma fleur qui ne fane jamais.